Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Deuxième épisode, l'odeur du feu. Chez les scouts en général, on a des sorties à l'année. On arrive souvent par exemple samedi midi et on repart le dimanche en fin d'après-midi. Et donc souvent le samedi où on partage un repas ensemble en arrivant, on fait quelques activités, on fait une ou deux équipes pour répartir un peu les tâches qu'il y a à faire. En fait, il va y avoir des grands jeux. Donc des grands jeux, je sais pas, des grandes balles aux prisonniers, tout autant que ce qu'on peut appeler des grandes chasses. Des grands jeux avec des chasses au trésor, avec un imaginaire, donc je sais pas, Mowgli, plein de choses comme ça. C'est vraiment des jeux. Il y en a qui font les habitants. Quand je dis habitants, c'est les habitants qui changent de maison. Et quand je dis maison, les habitants bougent pas, c'est les maisons qui changent. Et quand je dis tempête, il y a tout qui change. Quand on va chez les scouts, on sort du cadre familial, on sort du cadre de la société, de l'école, on sort du cadre dont on a l'habitude. On parle de certains sujets, si on organise des projets, on en parle, on les monte, on se donne les rôles, on se dit tout ce qu'il y a à faire en fait. Pendant l'année, il y a des sorties qui sont organisées et ça s'articule aussi autour du camp d'été. Et le camp d'été, c'est... Des camps qui durent entre une semaine et trois, en fonction de l'âge. Et des week-ends à l'année où des fois on campe, en fonction de l'âge aussi. On fait des grandes activités. On demande aux enfants de choisir une aventure qu'ils vont réaliser eux-mêmes au cours de l'année. Et du coup, durant les sorties qui suivent, ils vont réaliser leur aventure. Donc c'est eux qui vont aller chercher des matériaux pour construire la cabane, tout comme ça. Quand on arrive dans un camp, justement, il n'y a rien. Il y a juste l'herbe et le ciel. Et on arrive, on pose tout. Donc ça peut prendre un ou deux jours, ça dépend. On installe tout, les tentes, justement les tables et tout ce qui va avec. Donc tout d'abord, on va faire un nœud sur le bois déjà attaché. Un bon nœud, comme ça, ça tient. En tout cas, le premier camp est assez particulier parce qu'on passe du tout confort à tout construire. Et donc on est parti pour le brodage, donc on va passer au-dessus. Plus que se débrouiller, en fait, vivre, tout simplement. Puis en dessous. Dans la nature, on est tous très interdépendants. Tu découvres que tout seul, tu peux pas à la fois aller chercher le bois, aller chercher de quoi manger, lancer l'eau, lancer les services. Tu as besoin des autres. Et pour coopérer, si tu mets pas un peu d'humour, un peu d'organisation, un peu de débrouillardisme, ça va pas le faire. Et donc c'est vraiment une école de vie. Coller. Un sur l'autre. On campe, on construit nos tables, notre société de vie pour 21 jours. Ils sont divisés en équipes, ils partent en bivouac. Pour les plus grands, c'est des projets qu'ils réalisent. Ils choisissent un thème. Par exemple, on veut aider des fermiers à construire une ferme. Et du coup, pendant un week-end, on prépare toute cette aventure. Il y en a qui vont faire la liste de courses, il y en a d'autres qui vont aller contacter les fermiers, etc. Et la sortie d'après, on vit l'aventure. Et vivre une aventure, c'est un peu ça, la passion commune de toutes celles et tous ceux qui tombent dans la marmite du scoutisme, petits ou grands. Alors je vous propose d'y plonger, les yeux fermés, dans l'épisode 3. Il est question de promesses scouts et plus largement d'engagement. Vous allez voir, c'est passionnant. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique est composée par Timothée Mazurel, et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Rosanna, Diane, Sophie, Clément, Dana, Abdelak, Béatrice et Ella. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.